Je me suis décidé à chanter une chanson. Vous êtes bien sûr Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 17 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Baudouins. Le dicton du jour nous dit qu'en Baudouin coupe le raisin, c'est mauvais pour le vin, mais bon pour le chou. Tout l'hiver, tu en auras goût. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe et journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et dans les événements qui se sont déroulés un 17 octobre, en 1810, c'était la première fête de la bière et en 1979, Mère Teresa recevait le prix Nobel de la paix. Allez, tout de suite, on va faire une petite pause. On va s'écouter de la musique country avec le chanteur Alla Jackson et son titre Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to me, but I learned how to Alan Jackson sur RGM, un peu plus de 8h35. On parle tout de suite anniversaire avec ceux qui sont nés un 17 octobre. Et on va rester en chanson puisqu'en 1942, c'était la naissance de Gary Puckett, chanteur américain notamment connu pour le titre Woman Woman, dont on écoute tout de suite un extrait. Your laughter cannot hide, and you're afraid to let your eyes meet mine. And lately, when I love you, I know you're not sad. Pour l'extrait du chanteur Gary Puckett. Allez, on continue les anniversaires. 1958, naissance d'Alan Jackson, chanteur américain. 1960, naissance de Rob Marshall, réalisateur américain, à qui l'on doit Chicago, Oscar du meilleur réalisateur, où il est également producteur et chorégraphe. Mémoire d'une geisha, également producteur. Nine, également producteur. Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Le Retour de Mary Poppins, également producteur et chorégraphe. 1966, naissance de Mark Gatiss, acteur anglais, vu dans la série Doctor Who dans le rôle du professeur Lazarus, la série Sherlock dans le rôle de Mycroft Holmes, ou encore Game of Thrones dans le rôle de Tycho Nestoris. 1967, naissance de Nathalie Tauziat, ancienne joueuse de tennis française, ayant fait carrière de 1984 à 2003, qui était numéro 3 mondial en simple en 2000, qui était une fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros et l'US Open, huitième de finaliste à l'Open d'Australie, numéro 3 mondial en double également, c'était en 2001, une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros et Wimbledon et huitième de finaliste à l'Open d'Australie. Et elle a remporté une Fed Cup avec la France, c'était en 1997. 1969, naissance de Wyclef Jean, chanteur haïtien. 1972, naissance d'Eminem, chanteur, acteur américain, vu dans le film 8 Mile, dans le rôle de Jimmy Smith Jr., alias Rabbit. La série télé Entourage a noté qu'il a remporté une fois l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'est également l'année de naissance de Tarkan, chanteur turc, connu pour le titre Simarik, dont on écoute tout de suite un extrait. Mouah. Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsan. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsan. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük? Voilà pour l'extrait de Tarkan. Allez, on continue. 1973, naissance de Bruce Toussaint, journaliste français. 1979, naissance de Kimi Räikkönen, coureur automobile finlandais en Formule 1. 309 courses, 18 pole positions, 103 podiums, 21 victoires, champion du monde en 2007. 1983, naissance de Felicity Jones, actrice britannique, vue dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, dans le rôle de Felicia Hardy. Inferno, dans le rôle du docteur Sienna Brooks. Rogue One, a Star Wars Story, une femme d'exception, ou encore la série télé Doctor Who. 1991, naissance d'Agathe Auproux, journaliste chroniqueuse télé française, notamment dans l'émission « Touche pas à mon poste ». 1993, naissance de Vincent Poirier, basketteur français professionnel depuis 2013 ayant joué à Paris-Levallois, hier Toulon, de nouveau Paris-Levallois, au Centre Fédéral, de nouveau à Paris-Levallois, au Saski Basconia, et depuis 2019, cette saison donc, il joue pour les Celtics de Boston, et en équipe de France, il est médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019 qui avait lieu en Chine. En 1849, décédé Frédéric Chopin, compositeur polonais, et en 2012, décédée Sylvia Christel, actrice néerlandaise connue pour avoir tenu le rôle principal dans 5 des 7 films au cinéma de la série indé Emmanuel dans les années 70 et 80. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Wyclef Jean, son titre Sweetest Girl en featuring avec Akon, Lil Wayne ou encore la chanteuse Nia. Some live for the bill, some kill for the bill. Yeah. She whine for the bill, grind for the bill. She used to be the sweetest. Some steal for the bill, if they gotta pay the bill. Yeah. Two nice white cleft ain't con, Wizzy on the beat. Oh. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Just to get a pick again, she's a 10. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Just to get a pick again, she's a 10. Never thought that she would come and work for the president. Just to George Washington. Where my money at? She balls. He calls. Bad day, sunny day, rainy day. All you wanna know is where my money at. Close leg, don't get fit. Go out there and make my bread. All you wanna know is where my money at. She ended up in a roll call, bruised up, scarred heart. All you wanna know is where my money at. She falls, he calls. See, I'ma tell you like you told me. Cash rules everything around me. Sing your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill. For something they don't wanna be a part of. Rather be up in the club shaking for a dub. Get triple times the money and spending it like they wanna. They got their mind on their money, money on their mind. They got their finger on the trigger, hand on the nine. See, every day they feel a struggle, but stand on their grind. And ain't nobody take a promise, and that's the bottom line. But I know there's a drop in the block, it moves slow. You're getting pressure from cops, you don't know. Corners every day struggling. All the beautiful women getting money, washing them dollar bills like laundry. See, I'ma tell you like you told me. Cash rules everything around me. Sing your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. I'ma tell you like you told me. Cash rules everything around me. HIV went crazy. She used to be the sweetest girl. She used to be the sweetest girl ever, ever. Now she likes sour amaretto. She wears a dress to the T like the letter. And if you make it rain, she will be under the weather. She used to run track back in high school. Now she tricks on the track right by school. She take the loss cause she don't wanna see her child lose. So respect her, I'll pay up for the time used. And then she runs to the pastor, and he tells her there will be a new chapter. But she feels no different after. And then she asks him, I'ma tell you, like you told me. Cash rules everything around me. Sing your dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. I'ma tell you, like you told me. Cash rules everything around me. Sing your